Le soleil brille toujours après la pluie. Aussi, toi qui pleures, sèche tes larmes. Les soucis de ce monde n'ont pas si grande importance. On s'habilise à en pleurer, on s'empoisonne l'existence. L'abattement n'a jamais rien arrangé. La lucidité, par contre, engendre la vie. Il faut savoir dépasser les événements de ce monde. C'est là le seul moyen de gagner son bonheur. Qu'il faut vaincre l'égoïsme, car on fait son bonheur en forgeant celui d'autrui. Engendre la vie. Il faut savoir dépasser les événements de ce monde. C'est là le seul moyen de gagner son bonheur.